qu'est-ce qu'il dit? Et vous le connaissez. C'était la dernière des wasaya, des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, ça doit nous faire mal au cœur. Honte à nous, ceux qui ont lâché la prière. Ton prophète, pendant qu'il meurt, il pense à toi, qu'est-ce qu'il te dit? As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Hada le prophète, ton prophète. Hasbunallah, il est en train de mourir. Il pourrait penser à autre chose. Sallallahu alayhi wa sallam, là, il pense à votre bien, parce qu'il a été envoyé pour vous, pour l'humanité. Et il te dit, la prière, et tout ce qu'on a sous notre responsabilité. La prière. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Non, je travaille. Wallah, ici, le prophète était en face de nous. On oserait répondre à cette question. On oserait répondre, je travaille. Personne n'aurait le courage de le faire. Personne. Mais on le fait quand même, parce qu'il n'est pas là. Deuxièmement, qu'est-ce que tu perds? On te dit aussi, tu perds un immense ruisseau et bénéfice qui était devant ta porte. Parce que c'est une drôle de tradition, subhanallah, qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a près de sa porte un ruisseau qui passe tous les jours? Il y a un ruisseau là, devant sa porte. Et il irait à chaque fois se laver là, 5 fois par jour. On te dit, subhanallah, est-ce qu'il resterait une saleté sur cette personne? Qu'est-ce que vous allez répondre? Non. Ceux qui ont peut-être eu l'occasion d'habiter près d'un ruisseau, chaque fois tu vas te laver là, 5 fois par jour. 5 fois les ablutions par jour. 5 prières. Pourquoi le hadith a été mis? Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que tu pries, chaque fois que tu fais les ablutions, chaque goutte, repentir. Repentir. Les mauvaises actions partent. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, comme d'habitude, pas besoin de ruisseau. Donc pas besoin de recommandations, pas besoin de ruisseau. Bon, bien que tu as besoin, mais mohim. Rien besoin. Et quand on te dit que la prière, as-salawat al-khams, wal-jumu'a ila al-jumu'a, kafarat lima baynahun. Hadith aussi rapporté par Muslim. Chaque fois que tu pries d'une prière à l'autre, expiation des péchés. Quand tu n'as pas fait ce qu'on appelle, inujtunibat al-kaba'ir aussi. Il faut avoir évité les grands péchés. Faire attention. Parce qu'il y a tout un travail dans le repentir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on te dit? Toi, tu dis non, de nouveau, je n'ai pas besoin de ce cadeau qui m'est offert. Loin de là. Qu'est-ce que tu perds? Une protection venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans la tradition authentique rapportée par Muslim, qu'est-ce qu'on te dit? Que la prière, man salla subh, fahuwa fi dhimmatillah. Subhanallah, regardez la beauté. Tu pries la prière de subh, wallah, et tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle belle journée qui commence. Chose que tu ne pourras jamais goûter, toi qui ne pries pas. Tu ne pourras jamais goûter ça. Et ceux qui prient savent de quoi je parle. Quand tu te lèves subh, tu pries, tu t'assieds un peu, tu te dis Allah, tu lis un peu de Coran, et ceux qui travaillent, la journée commence. Wallah, et dites-moi comment elle commence la journée. C'est une halawa. C'est incroyable. Eh ouais, tu ne pries pas, tu ne sais pas savoir ce que c'est. Toi, ta journée, elle commence bien quand ça, c'est quand tu sors du lit, que tu as pas mal aux côtes. Quand tu as pas mal, tu dis, wa ala al-nu'sa, wa ala al-dunya, wa ala al-nashat. Mais si tu sors du lit, que tu es un peu rouge, a'udhu billah, déjà le matin, il y a des problèmes. Ouais, commence à regarder de travers. Où est l'islam là-dedans? Où est l'islam? Abadan, qu'est-ce que tu perds de nouveau? Tu perds l'entrée au paradis. Et Allah, si tu as perdu ça, tu as tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il te dit que dans le hadith aussi qui est authentique, le Bukhari et Muslim est rapporté chez Abu Daoud al-Nasa, il te dit, khams salawat, 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, a instauré pour son serviteur. Celui qui les fait, comme il se doit, sans qu'il n'en délaisse aucune, et sans qu'il ne délaisse aucun droit qui est rattaché à cette prière, toutes les règles qu'il faut, il te dit, kana lahu indallahi ahd. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole. Tu les fais comme il se doit. Avec les règles et autres, il te donne un ahd. Ce Seigneur qui n'a pas besoin, wallahi al-adim, il n'a pas besoin de toi. Mais même comme ça, par sa clémence, son vouloir, il te donne quand même le paradis. Il te dit seulement fais-les comme il se doit. De nouveau, qu'est-ce que tu lui dis? Non, j'en ai pas besoin. Non, parce que moi, tout va bien. Qu'est-ce que tu perds de nouveau? Tu perds le premier examen que tu auras le jour du jugement dernier. Ça, on va en parler tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que tu perds? Une lumière. Parce qu'il te dit que, dans le hadith rapporté par Muslim, as-salatu nur. La prière est une lumière. Et toi, tu es dans l'obscurité. Tu ne pries pas. Tu ne peux pas goûter à cette lumière. Tu perds un bénéfice, wallahi, immense, qui est lequel de nouveau? Rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman na'ami rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Pas Allah comme certains voudraient commencer à imaginer, hachalillah, ça c'est après. Mais on te dit, dès que tu commences la prière, tu es face à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète dans la tradition authentique, il te dit qu'il a partagé, qassamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn. La prière est partagée. Et c'est là que commence subhanallah, cette discussion entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu fais l'éloge, tu reconnais ton Seigneur. Tu es debout dans une belle position d'humilité, de respect. Tu es là, devant celui qui t'a créé. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu continues les clémences. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond. Athna alayya abdi, majjadani abdi. Il reconnaît que justement, tu parles de sa grandeur. Maliki yawmiddin. Tu parles de nouveau de celui qui sera le roi du jugement dernier. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Regarde, tu commences déjà à introduire un petit sujet. Ya Allah, c'est toi. Et ça, il n'y a que le pratiquant qui sait c'est quoi. Pas celui qui croit que c'est la vie qui va l'aider, c'est l'argent qui va l'aider, son travail, là, pour lequel il a délaissé la prière, abadan. Le croyant, il sait que le seul qui va l'aider, c'est celui vers qui il va. C'est qui? Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Alors là seulement, après avoir bien fait l'éloge, regardez quelle beauté dans la prière, tu commences alors à demander. C'est ça la politesse qu'on a nous vis-à-vis de notre Seigneur. On dialogue avec notre Seigneur. Et on a une politesse vis-à-vis de lui. D'abord l'éloge, comme font les enfants avec leurs parents. Quand tu as des fois ton enfant, yarhamukallah, il vient chez toi. On en a, alhamdulillah, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, Abi, tu es beau, Abi, tu es gentil, Abi commence à chantonner. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu as besoin? Vas-y, qu'est-ce que tu as besoin? Pas un petit taureau, Abi? Eh bien, alhamdulillah, c'est pas honteux pour nous. On le fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. On lui fait les éloges et tout. Puis qu'est-ce qu'on lui dit? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Voilà de nouveau, qu'est-ce que tu perds encore plus? La demande de la guide. Wallah, et combien vous perdez? Wal'ayadu billah, ceux qui ne prient pas? Catastrophique. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-ladhina an'amta alayhim. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du verset. De la sourate plutôt. Imaginez-vous. On demande de la guidance, on demande le paradis, on demande dans les degrés les plus hauts du paradis. Et on invoque. Et où est-ce qu'on est? Aux abonnés absents. Je vous passe tous les détails par rapport à tout ce qui est la prière en groupe et tous les hasanats que tu as quand tu marches pour aller vers la mosquée et ainsi de suite. Il y a tout un cours, mais le temps presse comme vous le savez. J'ai été aussi étonné, subhanallah, lorsque je préparais ce cours, je suis rentré dans plein de sites aussi en arabe et autres, j'étais étonné de voir certains mashayir et j'ai dit wallahi c'est très dur, wallahi l'adim c'est très dur. Certains savants, vous savez ce qu'ils ont mis dans leur site et en mettant aussi par exemple, en donnant des avis, mais je vous le dis seulement, même si nous, on trouve encore des excuses. Il disait, ni tu peux le saluer. Parce qu'il te dit, assalamu alaikum wa rahmatullah, tu le dis à qui? À un musulman. Et tu peux, un non-musulman, saluer. Tu peux dire bonjour. Mais le salam entre les croyants, c'est quoi? La preuve, tu ne dis pas à un belge qui va te croiser, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kif al-hal? Non, le belge va te regarder. Ça va, monsieur? Tout va bien? Problème? Non, c'est normal. On a chacun, qu'est-ce qu'on dit à chacun? Le musulman, quand il se rend compte, salam alaykoum wa rahmatullah, il te dit non. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il te dit le salam, c'est normalement. Hein, il y a, cette phrase a une portée incroyable. Il y a dedans des choses. Parce que toi, tu réponds wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Hein, tu réponds, kada, il était derrière. Tu dis, là, il y a quelque chose. Il te dit deuxièmement, tu ne réponds pas à son invitation. Tu ne lui donnes pas ta fille en mariage. Tu ne lui rends pas visite à la maison. S'il est malade, tu ne lui rends pas visite. Tu ne vas pas dormir, habiter plutôt avec lui. Tu ne laisses pas rentrer, par exemple, à la Mecque à Médine. Tu lui donnes rien de la zaka, tu lui donnes pas de ta nourriture. Oula, j'ai continué à cocher. Tam, tam, tam. Je suis arrivé à plus de 15 points, j'ai dû arrêter. Wallah al-adim. J'ai dit, oula, ils sont durs. J'ai dit, oula, ils sont durs. Quand est-ce qu'on va parler avec lui? Regardez, c'est pas facile. Et quand je lisais ces textes-là, c'est parce que qu'est-ce qu'ils disaient ces savants-là? Ils disent, ah, c'est normal, parce que entre musulmans, il y a aussi des règles. Et comme tu veux nous faire montrer que tu n'es pas un musulman, eh ben Allah aoun, donc on ne fera pas la même chose qu'on doit faire entre nous et toi. On ne le fera pas. On ne va pas s'amuser à mettre en pratique certaines règles qui sont censées être mises entre musulmans. Comme des fois les non-musulmans, ils ont des règles entre eux, par exemple. Ils ont des règles dans la manière de vendre, de parler, de ceci. Chacun dans le monde a ses manières. Entre musulmans, on a des manières. Tu me dis non, je ne prie pas. Le prophète Sassam te dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar wal'adu billah. Ça, la différence entre le musulman et le reste. Parce que tu pries. Tu as donné ta parole, donc tu es musulman. Alors si tu ne pries pas, tu as fauché ta parole. Alors on doit donner un nom. Voilà, c'est pour ça alors qu'ils ont décrété toutes ces règles. Au moment de la mort, qu'est-ce que tu subis? Parce que celui qui ne prie pas, psychologiquement, comme on l'a remarqué, qu'est-ce qu'il croit? Demain, je vais me repentir. Et ouais, attends demain. Parce que wallah, il viendra un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran. Surat An-Nazi'at. Point les anges qui arrachent quoi? Les âmes. La sourate commence comment? وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ. Billah alayka ya Abdullah, tu es de quel style? quand l'ange va venir pour l'ange de la mort retirer ton âme, est-ce que comme on dit en français, c'est-à-dire ceux qui vont en quelque sorte arracher, mais violemment cette âme. Pourquoi violemment? Parce qu'elle sait ce qu'elle a foutu sur terre. Je vous l'ai dit à l'introduction. Elle sait qu'elle n'a rien fait sur terre. Donc violemment va la tirer. Parce que wallahi, elle sait où est-ce qu'elle va aller. J'ai pas un autre langage. Tout ce que je peux dire, continue à faire le malin. Prie pas. Wallahi, prie pas. Mais tu verras à ce moment-là. Et on a eu des cas, quand tu vas des fois laver les morts, quand tu assistes à la mort de quelqu'un, ceux qui ont assisté à cela, ils ont vu les styles. Et c'est pour ça que, subhanallah, dans la sunnah, on te dit de préférence de ne pas parler du nom de la personne. Parce qu'on a vu des fois de nos propres yeux des gens qui se torturent comme des malades. Ils sautent sur le lit. Faut voir ça, les frères et sœurs. Si vous avez un jour l'occasion de voir. Ou comme nous disait le cheikh qui avait lavé Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Ben Baz, rahimahoumullah, Cheikh Al-Ghayt, il s'appelait, hafidhaoullah, on avait été suivre un cours chez lui en Arabie sur le lave, comment laver les morts, et il nous a rentrés à la morgue. Et en pleurant, il nous disait, wallahi, combien de fois j'ai déposé des jeunes, des corps de jeunes, qui brillaient, je me retourne, je prépare les seaux, le temps que je me retourne vers le corps, du charbon. Wallahi, il a dit, la ilaha illahu. Et il le dit en pleurant, il dit, je trouve du charbon, le corps noir. Il me dit, j'ai interpellé le père. Ya Abdallah, parle-moi de cet enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Non, khair, inshallah. Parle-moi de cet enfant. Oui, Allah aide, priez pas. J'ai fait que lui dire, Allahu Akbar. Mais ça, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je rêve qu'un jour, les mosquées, ils aient tous un endroit où on lave les morts. Comme ça, chaque musulman du quartier, il s'entraîne à le faire. Et là, vous allez voir l'ajaïb. Vous allez voir les choses extraordinaires. Vous allez voir des visages crispés, wal'iyadu billah. Et quand tu te renseignes, wallah, il te dit, vivez dans le haram, dans la drogue, dans ceci, dans l'adultère. Sahab zina, faut voir leur tête aussi, wal'iyadu billah. Catastrophe, wallah, il'adim. Et n'am. Mais nous, comme vous le savez, comme on ne voit pas ça, alors l'âme, il est à l'aise. Le corps est à l'aise sur terre. Tout va bien. On est bien. Et n'am, on est bien. Cool, cher frère. On te dit souvent ça. Pourquoi tu t'énerves? Calme. Rabbi ghafurur rahim. Oh, pas s'énerver. Vous rappelez le verset, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?